Les studios de cinéma artistique de Corée ont mis au monde un film artistique, Histoire de ma maison. À travers l'histoire d'une jeune fille qui élève les orphelins avec l'amour maternel, le film montre de façon vivante et sincère l'amour qui règne dans la société socialiste qui constitue une grande famille, ainsi que le noble monde idéologique et spirituel des jeunes Coréens.